Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le bunker, véritable forteresse du pouvoir pendant 30 ans à Québec. On savait que Bernard Landry n'aimait pas son bureau de la Grande Allée, le fameux bunker, mais on ne pensait pas qu'il le détestait au point de vouloir le raser. L'affaire du bunker, là, je vais la faire réétudier soigneusement à la lumière de pression que j'ai d'en faire un beau parc en face pour enjoliver notre ville. Quand il devient premier ministre du Québec en 2001, Bernard Landry envisage très sérieusement la destruction de ce complexe gouvernemental qu'on a baptisé le bunker et qui a abrité pendant 30 ans les bureaux du premier ministre et la salle du Conseil des ministres. Pour des raisons de coût, on ne va pas procéder finalement à cette destruction, mais on déménagera quand même les bureaux du premier ministre et de la salle du Conseil des ministres dans un édifice de la colline parlementaire. Le bunker, auquel on a déjà apposé l'étiquette de crime contre l'architecture, a vu passer 7 premier ministre dans ses murs entre 1972 et 2002. Le bunker. C'est Daniel Johnson qui en a initié la construction en 1967. Plusieurs avaient alors dénoncé l'implantation de ce monstre de béton qui transformerait le visage de la Grande Allée. Mais aussi le visage du pouvoir, se souvient Bob McKenzie, correspondant parlementaire depuis 40 ans. On le voyait comme froid, déshumanisé. Vous savez, toutes les comparaisons qu'on a faites, que ça ressemblait à un hôtel. Et surtout, c'était l'isolement. Robert Bourassa l'a inauguré en 1972. Mais après la crise d'octobre 70 et avec les premières grandes manifestations du Front commun syndical, un vent de paranoïa a soufflé sur l'administration publique. On devait mieux protéger le premier ministre en cas de crise. Un tunnel fut alors construit pour relier l'édifice à l'Assemblée nationale et un héliport fut installé sur le toit pour permettre une fuite rapide. Robert Bourassa détestait toutefois ce tunnel. Il préférait marcher à l'air libre. Tous les premiers ministres qui ont succédé à Bourassa ont occupé ses bureaux. Lucien Bouchard en avait même fait sa résidence de fortune. Mais voilà que le nouveau premier ministre Bernard Landry et tout son personnel du conseil exécutif vont quitter le bunker définitivement d'ici janvier 2002. On ignore encore le coût de ces réaménagements. Dominique Poirier, Radio-Canada, Québec. Extrait du téléjournal du 29 mai 2001 pour nous raconter l'histoire du bunker, cet épicentre du pouvoir pendant 30 ans à Québec. Je reçois Dave Noël, qui est historien, journaliste à la recherche au bureau parlementaire du Devoir à Québec et qui vient de co-signer avec son collègue Marco Belair-Cirino le livre « Les lieux de pouvoir au Québec ». Dave Noël, bonjour. Bonjour. Donc, dans ce livre-là, vous vous intéressez à différents lieux de pouvoir. Ce fameux bunker, où vous le placeriez dans le palmarès, justement, des lieux de pouvoir les plus importants dans l'histoire politique du Québec? Bien, évidemment, le bunker est au premier rang pour son époque au Québec et en fait dans le système parlementaire britannique. Le premier ministre est au centre du pouvoir, donc on compare souvent à un monarque élu. Donc, dès qu'il se déplace, le pouvoir le suit. Et donc, le bunker, c'était son bureau. Il avait une suite là-bas. C'était le Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment l'épicentre du pouvoir, mais pour une trentaine d'années, puisque maintenant, il est désormais à l'édifice Honoré-Mercier, donc pas très loin du Parlement, mais plus du côté nord. Donc, c'est vraiment un bâtiment de première importance. Mais c'est intéressant ce que vous dites déjà. Pour vous, par rapport au Parlement, par exemple, qui est la Chambre des députés, le lieu de pouvoir ultime, ça reste l'endroit où se trouve le premier ministre. Vous dites ce lieu-là se déplace même parce que quand il est en voiture, par exemple, entre Montréal et Québec, le lieu de pouvoir ultime, c'est cette voiture à ce moment-là. Oui, il a aussi un bureau à Montréal qui, pendant longtemps, était dans l'édifice Hydro-Québec. Donc, il a maintenant un autre bureau sur McGill College. Mais donc, c'est vraiment l'exécutif qui est au centre. Plus que le législatif. Bien, évidemment, les pouvoirs sont répartis, ouais. Mais donc l'exécutif a vraiment, dans le système parlementaire, a vraiment une importance, certains diraient démesurée ou très, très grande, disons. Mais donc le bunker, dans ce cadre-là, est l'épicentre, vraiment la concentration est là. Dans quel contexte, Dominique Poirier l'abordait un peu dans son reportage, mais un mot encore sur ce contexte qui va mener à la construction du bunker. Donc, le contexte, souvent, le bunker est associé à Robert Bourassa, qui est son premier occupant. Mais en fait, il faut remonter. C'est vraiment un projet de l'Union nationale de Daniel Johnson, qui prend le pouvoir en 1966, après la défaite de Jean Lesage. Donc, Daniel Johnson et son équipe, ils développent un projet de palais présidentiel qu'on appelle à l'époque, donc un peu pompeux, mais c'est l'époque où le Québec s'affirme de plus en plus. Et puis donc, on décide de déménager les bureaux du premier ministre qui se trouve à ce moment-là à l'édifice Honoré-Mercier, où le premier ministre va revenir en 2002 sous Bernard Landry. Mais donc, on construit ce bâtiment-là qui était occupé à ce moment-là par une rangée de maisons victoriennes, donc avec une très belle devanture, tout ça. Donc, on utilise cet espace-là, on le rase pour décider de concentrer les bureaux du PM, son conseil des ministres, dans ce bâtiment-là qui est très particulier. Et à l'origine, on a un projet d'édifice, de construire une tour, en fait, de plusieurs étages, une levée de bouclier. Donc, on change le projet. On décide de construire un bâtiment un peu plus, qui va rappeler les vieilles maisons, les vieilles pierres du Vieux-Québec, ce qui peut faire sourire aujourd'hui quand on regarde le résultat. Mais donc, on décide de créer un bâtiment plus en étage, de 4 étages, mais qui suit la courbe de la Grande Allée. Ouais. Donc, l'espèce de montée qu'on a là. Et puis, le nouveau projet permet même de sauver les arbres qui se trouvaient devant les maisons victoriennes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on décide de construire ce bâtiment-là, entre le Parlement, les plaines d'Abraham et les remparts. Oui. Avec, bien sûr, les bureaux du premier ministre, du conseil exécutif, donc la salle du conseil des ministres. Mais c'est plus que ça aussi, là. Il y a des fonctionnaires qui vont travailler dans ce complexe-là. Oui. D'ailleurs, souvent, on perçoit le bâtiment comme un seul ensemble. En fait, il y a deux bâtiments qui sont... on ne voit pas tout à fait la séparation. On a l'édifice H, où les fonctionnaires sont concentrés à ce moment-là, et l'édifice J, qui est vraiment l'édifice du premier ministre, tout ça. Et donc, c'est vraiment un projet qui ne se limite pas au premier ministre, dans le fond. Ouais. Et de 10, à peu près 10 étages, donc on ramène ça à quoi? À peu près 4 étages? À 4 étages, mais on occupe l'ensemble du lot. Ouais. On écoute pour comprendre un petit peu l'intention sur le plan architectural, parce que je le disais, mais vraiment, j'ai lu en préparant le dossier cette étiquette de crime contre l'architecture. Il y a des gens qui, à l'époque, et qui aujourd'hui encore, trouvent ça très laid, le Bunker. On écoute l'architecte principal du Bunker en 1973, Evan Saint-Gelais, nous parler de ce qu'il a voulu faire. L'édifice H est un complexe, est un édifice administratif pour le gouvernement provincial, en face du Parlement, à côté des murs, de la citadelle, et aussi près du manège militaire. Ce milieu impliquait au départ une construction à caractère robuste. La silhouette globale du bâtiment s'est inspirée des bâtiments existants et qui ont été démolis pour faire place au bâtiment actuel. En concevant le complexe H ou en concevant n'importe quel bâtiment, nous croyons que l'architecte devrait se soucier particulièrement de l'intégration du bâtiment dans son milieu, de la qualité du bâtiment, afin que les gens qui y seront appelés à y travailler soient heureux. L'architecte Evan Saint-Gelais, le concepteur principal du complexe du Bunker à l'émission L'architecture contemporaine au Canada en 1973. Il y a sûrement des gens qui ont sourcillé Dave Noël en entendant cet extrait d'entrevue, parce que Evan Saint-Gelais, au fond, dans cet extrait, parle de son souci d'intégrer les bâtiments du Bunker à leur milieu. Je suis déjà un peu dubitatif. C'est probablement plus, pour reprendre ses mots, la construction à caractère robuste qui a frappé l'imaginaire à l'époque et qui continue aujourd'hui encore de frapper l'imaginaire. Il faut dire, dès le départ, ce projet-là va susciter une levée de boucliers. Oui, tout à fait. M. Saint-Gelais, 20 ans plus tard, dans des articles, prétendait que dès le départ, il avait fait l'unanimité, ce bâtiment-là. En fait, si on lit un article de Jacques Gay, qui est extraordinaire, donc un journaliste du Maclean de l'époque, qui visite le bunker et qui lui donne son nom, en fait. Au départ, il l'appelle le Blockhouse. Et puis, ça devient rapidement le bunker. D'autres vont l'appeler le calorifère en raison de ses murs un peu en saillie avec les fenêtres en retrait. Donc, rapidement, il est contesté. Et surtout pour ce qui est de son aménagement intérieur. En fait, on remarque un ruissellement, un problème de chauffage, d'aération. Les secrétaires se plaignent de faire des sinusites à répétition. Et aussi, la façon que le bâtiment est conçu, il y a beaucoup de raccoins, tout ça. Et il n'est pas très fonctionnel. Donc, rapidement, il est dénoncé par les contemporains. Et puis, sans compter le fait que, encore une fois, on démolit une douzaine de maisons victoriennes magnifiques sur Grande Allée. On l'oublie. On voit les photos. Moi, je n'avais pas réalisé. C'est en voyant des photos, en préparant le dossier, qu'on se dit, mais c'était ça. qui était au lieu où se trouve aujourd'hui le bunker. Ça, ça passe pas trop, là, même si M. Saint-Gelais dit c'est entouré de pierres, il y a la citadelle. On comprend, là, on conceptualise comme on peut, mais il n'empêche que ça n'a rien à voir avec ce qui se trouvait là avant. Non, d'ailleurs, un des opposants au projet, c'était Pierre Laporte, qui à l'époque était député de l'opposition libérale devant l'Union nationale, qui lui dénonçait la démolition à venir des maisons victoriennes, et qui à l'époque avait 60-70 ans. Donc, c'était, un patrimoine en devenir, mais il n'était pas patrimonial selon les... Peut-être certains, dont l'architecte Saint-Gelais. Mais donc, il y a vraiment eu une levée de bouclier, mais le projet s'est fait de toute façon. Et en fait, c'est ça, ça devait rappeler le vieux Québec, mais disons que c'est difficile de visualiser ce que l'architecte pensait faire avec ce projet-là. Mais c'est l'époque. Hein. Il faut aussi remettre les choses en perspective. C'est la fin des années 60. C'est le modernisme. C'est ce Québec moderne qui se construit, qui veut se donner une architecture à cette image-là. Parce qu'au fond, je pense qu'on peut presque parler d'architecture brutaliste dans le cas du bunker. Parlons des premiers ministres. La relation que vont entretenir les premiers ministres avec ce lieu très, très important et puissant du pouvoir au Québec pendant 30 ans. Tous n'auront pas le même rapport avec le bunker. Il y en a deux, vraiment, qu'on peut associer plus directement au bunker. Robert Bourassa et Lucien Bouchard, les deux, c'est les deux seuls premiers ministres qui, durant leur passage à Québec, vont séjourner au bunker. Parlons d'abord de M. Bourassa. C'est lui qui est le premier occupant du bunker. Quel genre de rapport il a avec cet édifice-là? Oui, donc M. Bourassa va prendre la crémaillère, si on veut, en 72. M. Bourassa était reconnu comme quelqu'un d'économe. Avant d'habiter au bunker où il a une chambre, il logeait à l'hôtel Victoria dans le Vieux-Québec. Il a logé même dans le Parlement même pendant un certain temps. Et puis donc, en 72, il s'installe là. Et puis, c'est lui qui est en contact avec l'architecte qui lui demande est-ce que vous voulez une douche, un bain. Donc, c'est vraiment lui qui définit les paramètres de sa suite, si on veut. Et lui, donc, il s'installe là. Mais évidemment, il habite à Montréal. Donc, il vient 3 jours semaine à Québec. Cette chambre-là lui convient parfaitement. Une chambre que M. Gay, le journaliste qu'on évoquait tout à l'heure, va comparer à, une cabine de yacht de lutte, de luxe. Bon? Parce qu'évidemment, l'équipe du premier ministre, le bâtiment est en béton. On essaie d'ajouter du bois un peu partout pour donner un peu de chaleur à ce coffre-là, un peu ce sarcophage de béton-là. Et puis donc, M. Bourassa, lui, il va vraiment adopter les lieux, même qu'il va faire aménager une terrasse sur le toit. Il va se faire bronzer, il va prendre beaucoup de bains de soleil sur le toit. Le petit téléphone, l'époque, il n'y a pas de cellulaire, je ne pense pas, en tout cas. On lui apporte un petit téléphone. Oui, d'ailleurs, qui est protégé par une espèce de qui ressemble à une cabane d'oiseaux avec un petit toit. Donc là, il fait ses appels là-bas et il reçoit beaucoup de gens sur la terrasse. Mais c'est vraiment lui qui va l'occuper. Là. C'est vraiment un endroit qui lui est associé. Puis nous, quand on visite l'endroit, on voit encore les vieilles chaises de Bourassa qui ont été remisées dans un coin. Il y a le parasol qui traîne quelque part. Bob McKenzie, le journaliste qu'on entendait dans le reportage de Dominique Poirier au début de l'émission, l'évoquait, mais il y a un contexte particulier. On sort de la crise d'octobre en 70. Le bunker, c'est en 72 que Robert Bourassa y arrive. C'est le Front commun, le grand Front commun syndical. Il y a des chefs de syndicaux qui vont se retrouver en prison dans cette année-là. Donc, il y a tout ça. Donc, obsession un peu de la sécurité, mais avec un isolement, une froideur de l'édifice, mais un isolement du pouvoir aussi. Oui, le pouvoir isole déjà à la base. Et puis, le bâtiment, le bunker, lui, ajoutait concrètement, consolidait cet état-là des hauteurs. On dirige, on est vraiment isolé dans une bulle. Et puis, le bunker a contribué à l'ambiance un peu concentrationnaire. Et surtout, que la salle du Conseil des ministres était très particulière, qui était dans le bunker. Qui avait un plafond bas, puis qui ressemblait à une soucoupe volante, selon les contemporains. Donc, avec un plafonnier en latte de bois, donc une table ronde, les gens qui fumaient sans arrêt. Et donc, c'est sûr que ça peut avoir un impact et les contemporains l'évoquent souvent, cet isolement-là global. Parlons de l'autre figure qui sera très étroitement associée au bunker, c'est évidemment Lucien Bouchard. Ce qui est intéressant dans le cas de Lucien Bouchard, donc il va vivre lui aussi pendant qu'il est au pouvoir, il va vivre au bunker quand il est à Québec. Ce qui est intéressant dans le cas de M. Bouchard, c'est évidemment son gouvernement, c'est le gouvernement du déficit zéro, de l'austérité, cette obsession du déficit zéro. Il va au fond, mais je vous laisse nous en parler, puis vous l'avez interviewé là-dessus, il vous l'a dit, il va finir par se servir de ça, le fait qu'il habite le bunker, comme symbole. Il va transformer ça comme outil politique pour dire les temps sont durs pour tout le monde, même votre premier ministre. C'est un peu ça, non? Oui, exactement. En fait, Lucien Bouchard, à l'origine, il devait habiter sur l'avenue des Braves, dans la résidence officielle, l'Élysette, qui avait été mise en place par son prédécesseur Jacques Parizeau dans l'optique d'un référendum sur l'indépendance. Donc, une résidence majestueuse avec des boiseries et tout ça un peu en retrait du centre-ville. L'Élysette, référence à, d'une part, l'Élysée, oui. En France, et à Lisette, la pointe, la conjointe de M. Parizeau. Et donc, Lucien Bouchard, lui, finalement, pour différentes raisons, va se décider d'occuper la chambre qui est anciennement prise par Robert Bourassa. Donc, il s'installe là quand il est à Québec en semaine. Et puis, avec le temps, il se rend compte que ça, dans sa politique de déficit zéro, ça peut l'aider dans ses négociations avec différents groupes qui font des demandes. Et puis donc, ça lui permet de prêcher par l'exemple en habitant pratiquement dans son bureau pour faire des économies. Donc, c'est ça, c'est vraiment... Les gens vont finir par comparer ça à une cellule monastique. Ouais. Alors que c'est peut-être... Michel Vastel, oui, c'est peut-être un portrait un peu sinistre, mais M. Bouchard va quand même amener ses bibliothèques, il va s'installer là, et il va en garder un souvenir plus joyeux peut-être que ce que le portrait, la légende s'est développée par rapport à ça. Donc lui, il se rappelle, il voyait le Parlement par la fenêtre, une fenêtre qui n'ouvrait pas évidemment parce qu'on se rappelle qu'on est dans le bunker, donc un bâtiment scellé. Mais donc c'est ça, lui il va vraiment avoir une relation très intime avec le bunker. Le rappel, la responsabilité, voir le Parlement par cette petite meurtrière, alors que Vastel disait c'est le côté spartiate de Bouchard, tout ça. Parlons de René Lévesque, qui est peut-être celui qui a le plus farouchement détesté le bunker. Une histoire de désamour, d'ailleurs, Dave Noël, qui commence avant même que René Lévesque mette les pieds dans le bunker. Dès 73, en fait, votre journal, Le Devoir, révèle l'existence de ce qu'on appelait le CAD, le Centre d'analyse et de documentation. Et le Parti québécois, dès ce moment-là, va se mettre à parler de police secrète de Bourassa, va dénoncer l'existence de ce CAD. On va en parler de ce que ça a été, le CAD, et de la place qui s'occupe dans le bunker dans un instant. Mais on écoute d'abord un extrait de reportage diffusé le 31 mars 1977, le jour où René Lévesque invite les journalistes au CAD, parce que ce jour-là, c'est la fin du CAD, du Centre d'analyse et de documentation. Bon, vous avez eu accès, on le voit, vous étiez... le dispositif technique, est-ce que ça ressemble à un film à la James Bond ou bien si c'est exagéré? Oui, il y avait beaucoup de boutons lumineux et autres, beaucoup de bobines. On y trouve d'abord un QG, une salle d'opération blindé de plomb à laquelle se rattachent plusieurs services très spécialisés, comme celui que l'on voit, qui est un service d'écoute qui peut capter simultanément 10 stations de radio et 6 postes de télévision. D'ailleurs, ces enregistrements permettaient au CAD d'analyser la perception que les médias avaient vis-à-vis certains événements, vis-à-vis certains problèmes importants. Oui. Il y avait aussi chambre noire pour la photo, service de microfilm, table de dessinateur et aussi des téléscripteurs d'agences de presse, en plus d'un système de télévision en circuit fermé. On a détruit, vous l'avez bien dit, les fiches individuelles, mais est-ce qu'on a détruit également les fiches d'organismes de groupe? Je ne sais pas, là, la liste est longue peut-être. Oui, bien c'est seulement que les quelques 30 000 fiches d'individus qui ont été détruites. Le premier ministre Lévesque nous a dit que les fiches, 1800 fiches, dossiers plutôt, d'événements, étudiés par le CAD, et 6 000 fiches d'associations ont été toutes... essentiellement transmis au ministère de la Justice, qui lui en disposera selon son bon vouloir. Et selon M. Oui. Lévesque, il s'agit simplement de préserver davantage les droits individuels. Merci, Gilles Desbois. Extrait de l'émission ce soir du 31 mars 1977. 30 000 personnes, quand même, Dave Noël, sont fichées au CAD. Racontez-nous l'histoire entourant le CAD. En fait, le CAD est beaucoup lié à la crise d'octobre. Quand la crise d'octobre survient avec les enlèvements dont Pierre Laporte, James Cross par le FLQ, Robert Bourassa, le gouvernement du Québec, se rend compte qu'il est très mal informé de ce qui se passe. C'est beaucoup la police de Montréal, la GRC qui lui donne des informations. Donc, il décide de se doter d'un système de renseignement qui, dans le fond, qui crée des dossiers sur différentes personnes, des groupes. Et tout ça, c'est concentré dans le bunker, à l'abri des regards. Et puis, rapidement, Robert Bourassa a un peu contribué à créer un mythe autour de ce que certains appelaient un service de clipping. Ouais. Ceux qui voulaient minimiser, d'autres allaient plus loin. Parce que c'est un centre qui était quand même réseauté avec la GRC, tout ça, qui avait des informations qui lui venaient d'ailleurs aussi. Mais lui, il utilisait le CAD pour... des fois, faire des blagues. M. Bourassa aimait bien rigoler et il allait dire à un journaliste ou quelqu'un comme ça, fais attention parce que je vais demander au cadre d'enquêter sur toi. Ouais. Donc, c'est ça. Il a un peu fait gonfler ce que ça pouvait être réellement. Mais encore une fois, il y a beaucoup de mystères qui entourent cet endroit-là parce qu'on est détruit à la déchiqueteuse, les dossiers, donc on ne sait pas tout à fait exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mais au-delà du service de monitoring, les écrans, on écoute la radio, on écoute la télé, il y a quand même des gens qui sont fichés, des organismes qui sont fichés. C'est ça qui est un peu plus troublant, probablement, même avec le recul du temps. Puis, il y a une espèce d'opacité budgétairement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a tout un secret autour du CAD. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand René Lévesque prend le pouvoir, le directeur du CAD tente de le convaincre de garder cette institution-là. Et c'est un échec parce qu'évidemment, il l'avait tellement dénoncé qu'il n'avait plus trop le choix de le démanteler. Ça allait très loin quand même. Il y avait beaucoup, 30 000 évidemment, 30 000 fiches. Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été suivis. Là. On revient à Bernard Landry et à cette décision de... Bon, il veut le détruire. Pour des raisons budgétaires, il ne le détruira pas, le bunker. Mais quand même, le lieu déménage, ce lieu de pouvoir revient à l'édifice Honoré-Mercier en 2002. Pourquoi cette décision-là? Évidemment, c'était un bâtiment qui était, après 30 ans, qui déjà dès le départ avait des problèmes. Après 30 ans, il avait besoin de beaucoup de travaux. Donc, M. Landry a décidé d'en profiter pour déménager ses bureaux dans le bâtiment Honoré-Mercier sur René Lévesque à Québec. Donc, c'était une occasion qui se présentait. Et puis, lui, il voulait aussi redorer un peu la fonction. Parce qu'évidemment, quand les visiteurs, les dignitaires venaient au bunker, l'aménagement n'avait pas changé. Souvent, les premiers ministres prennent le pouvoir. Ça va tellement vite. Personne ne se préoccupe vraiment du divan qui date de 1972. On laisse ça comme ça, ça va vite. Donc, c'est ça. Il voulait redorer la fonction. Évidemment, le bunker, il ne faut pas oublier que c'est des plafonds un peu bas. Ouais. C'était pas l'image que le gouvernement du Québec, de M. Landry, voulait projeter. Donc, pour lui, c'était mieux d'aller vers Honoré-Mercier, le bâtiment Honoré-Mercier. Et puis, il y aura aussi, dans la même veine, la décision de Bernard Landry de déménager à l'édifice presse, de faire des derniers étages de l'édifice presse la résidence officielle du premier ministre. Oui, donc, un pied à terre à Québec. Après l'Élysette, donc, il n'y avait plus d'endroit où le premier ministre pouvait habiter. M. Bouchard, donc, était logé dans le bunker. Et M. Landry n'avait pas l'intention de reprendre la chambre de M. Bouchard. Donc, lui, il a décidé de récupérer les étages supérieurs de l'édifice Price, qui est le seul gratte-ciel vraiment dans le Vieux-Québec. Et puis, les premiers ministres sont toujours là, d'ailleurs. Donc, M. Landry a vraiment bouleversé un peu la fonction. Il a laissé des institutions physiques, là, durables, jusqu'à nos jours. Dave Noël, historien, journaliste à la recherche au Bureau du Devoir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.